dans nos cœurs. Bénis ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous invitons le pasteur Noah. Il va nous apporter la parole ce soir. Prêche en Swahili. Anahubiri kwa Swahili. Sawa. Amen. Acclamez pour le pasteur très très fort. Tumshangilie mchungaji. Nimeanza najifunza français kidogo kidogo. Je commence à apprendre le français petit à petit. Ile ya kuomba maji. Ile ya kuomba maji. Le français qui nécessite la demande de l'eau. Na kuuliza la route, ni la route, hein? La chemin. Demander aussi le chemin, l'adresse. Merci beaucoup. Tunaendelea na theme yetu ya stagnation. Nous poursuivons notre thème de la stagnation. Na leo ninataka nizungumzie habari ya nini inafanya mkristo akuwe na stagnation. Aujourd'hui je parlerai de ce qui fait qu'il y ait stagnation dans la vie d'un chrétien. Alafu tutafaa tufanye nini tutoke ndani ya ile stagnation. Et qu'est-ce qu'il nous faudra pour quitter dans la stagnation? Na nitasema mambo mengi. Je parlerai de beaucoup de choses. Na ninaomba Mungu anipe neema ni malize haraka. Je prie que le Seigneur me fasse grâce pour finir vite. Amen. Amen. Lakini nyinyi ni watu wazuri. Vous êtes des bonnes personnes. Mumekaa warembo sana leo. Vous êtes si jolie. Eh, ni warembo kabisa. Vous êtes si jolie cet après-midi. Amen. Amen. Asante sana. Sasa kabla sijaanza, avant que je ne commence, waje tuniombe. Je vais prier. Lord, I thank you today as we share from your word. I pray that let your spirit bring out the mysteries of God, that Father, we may understand the reasons why we stagnate and help us, Father, to decipher and to be able to move forward. Thank you so much, our Father. I pray for grace to speak your word. Lord, I pray for my hearers, both to understand and to receive it. Thank you, our Father, once again in Jesus' name. Amen. Niliamua niombe kwa kizungu. Je voulais prier en style européen. Amen. Sasa kwa nini mtoto wa Mungu akue na stagnation? Pourquoi l'enfant de Dieu peut avoir le stagnation? Kuna stagnation aina tofauti. Il y a différentes sortes de stagnation. Kuna stagnation mambo ya kimwili. Il y a des stagnations physiques. Mambo ya kiroho. Spirituellement. Mambo ya ndoa. Dans les affaires de mariage. Mtu anakuwa haendelei mbele. Quelqu'un n'avance pas. Lakini ya muhimu sana, mais le plus important, ni ukisha vunja stagnation ya kiroho, c'est que lorsque tu brises la stagnation spirituelle, unaweza endelea katika dimension zote. Tu peux évoluer dans le reste des dimensions. Lakini usipovunja stagnation ya kiroho, mais si tu ne brises pas la stagnation spirituelle, hata ukiendelea mbele, même lorsque tu évolues physiquement, ni ile Yohana anasema, c'est ce que Jean dit. Ya kuwa ninawaona muko tajiri, je vous vois riche. Lakini kumbe nyinyi ni maskini. Alors que vous êtes pauvre. Sababu gani? Pourquoi? Sababu kiroho walikuwa wamesimama mahali pamoja. Parce que spirituellement ils étaient statiques. Hawaendelei mbele. Ils n'évoluaient pas. Sasa stagnation ya kiroho, la stagnation spirituelle, inagusa mambo yote, affecte tous les domaines. Na leo ninataka tuone, et aujourd'hui je veux que nous puissions kwa voir, kwa nini sisi tunakuwa na stagnation? Pourquoi nous stagnons? Mambo gani inafanya tusiendelee? Quelles sont les choses qui nous empêchent d'avancer? Ni mambo mengi, il y a beaucoup de choses, lakini nitataja ya muhimu sana. Mais je parlerai des éléments plus importants. Na ya kwanza, primo, kitu ya kwanza inafanya tusiendelee mbele, la première chose qui nous bloque pour avancer, ni wakati tunakosa connection. C'est lorsque nous manquons la connexion. Wakati tunakosa connection. Le manque de connexion. Connexion na Mungu. La connexion avec Dieu. Na connexion na baba yetu. Et la connexion avec notre père. Baba yetu ya kiroho. Le père spirituel. Na baba yetu ya kimwili. Et le père physique. Wakati tunakosa hiyo connection. Quand nous manquons cette connexion. Hauwezi ukaendelea. Tu ne peux pas évoluer. Sababu gani? Pourquoi? Sababu baba. Parce que le père. Baba. Le père. Yeye anaitwa source. Il est la source. Yeye ni mwanzo. Il est le début, le commencement. Yeye ndio kama chemichemi. Il est la source. C'est lui qui communique. Sasa ukikosa connection na baba. Et quand tu n'as pas la connexion d'avec le père. Nikusema umepoteza source. Cela veut dire que tu as perdu ta source. Alafu falme ya Mungu. Et le royaume des cieux. Ina opere na protocol. Opère dans le protocole, dans kuna, le respect des protocoles. Kuna procedure kwa kila kitu. Il y a le procédure pour chaque chose. Manyeli ya kufanya vitu. Il y a une procédure pour toute chose. Na Mungu kwa hekima yake. Et Dieu dans sa sagesse. Ametupatia baba. Il nous a donné un père. Paulo anasema. Et Paul dit. Ndani ya Kristo Yesu. En Christ Jésus. Mimi ni baba yenu. Je suis votre père. Ingawa muko na walimu wengi. Si vous avez beaucoup d'enseignants. Lakini mimi ni baba yenu. Mais moi je suis votre père. Nilikuwa ninaétudier mambo ya Israeli. J'étudiais l'histoire d'Israël. Na nikafikiria kidogo. Et je pensais. Na ukikuja katika kitabu cha Isaïe. Et quand tu viens dans Isaïe. Maandiko inasema. Il est écrit ce qui suit. Kwetu mtoto amezaliwa. L'enfant nous est né. Mtoto mdogo amezaliwa. Un petit enfant nous est né. Lakini kwetu mtoto amepatiwanwa. Mais un fils nous est donné. Mtoto amezaliwa. L'enfant nous est né. Lakini mwana amepatiwanwa. Mais un fils est donné. Nikajiuliza kwa nini. Je me suis demandé pourquoi. Nikaenda kutafuta maana ile mambo. Et je cherchais la signification de cela. Nikaelewa. Et j'ai compris que Israël wakati mtoto alizaliwa. En Israël lorsque l'enfant naissait. Wazazi walifurahi. Les parents étaient joyeux. Walifurahi walimpatia chakula. Ils étaient contents et festoyés. Ilipofika umri yake ya kusoma. Et quand il atteignait l'âge d'études. Walimchukua mtoto wakapeleka kwa walimu. On les prenait et l'amenait auprès des enseignants. Na walimu hawakukaa karibu na mtoto. Et les enseignants n'étaient pas si près. Wazazi hawakukaa karibu na mtoto. Les parents n'étaient pas si près de l'enfant. Waliacha mtoto kwa walimu. Ils abandonnaient l'enfant entre les mains d'enseignants. Wamfundishe mambo ya biashara. Afin qu'on l'apprenne le business. Ama mambo ya kutibu wagonjwa. Ou soit la médecine. Ama ile kazi yenye mtoto alitaka. Ou soit le travail ou l'option que l'enfant choisissait. Siku ya mwisho mtoto akishajua ile kazi. Le dernier jour lorsque l'enfant maîtrisait son domaine. Mwalimu alirudisha mtoto kwa wazazi. L'enseignant apportait et ramenait l'enfant auprès des parents. Baba angefanya ceremony. Les parents organisaient le festin. Alafu baba angesema. Et le parent disait. Huyu ni mwanangu. Ça c'est mon fils. Ambaye nimefurahishwa naye sana. Qui me fait du plaisir. Sababu amesha itimu. Parce qu'il a accompli. Baba angempatia heritage. Le père pouvait lui confier l'héritage. Ndiposa Yesu Mungu anasema juu ya Yesu. Et c'est là que Dieu parle au sujet de Jésus. Huyu ni mwanangu ninayempenda. Celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Muisraeli alielewa kuliko sisi. Un Israélite pouvait bien comprendre cela que nous. Parce que cela était dans leur culture. Sasa baba analeta heritage kwa mtoto. Le père confère l'héritage au fils. Mtoto akisha itimu. Quand le fils devient mature. Kwa angle tunaitu, kuna maneno mawili. En anglais, il y a deux mots. Na waza pia iko kwa français. Je pense que c'est même en français. Kuna neno tunaita mandate, mandat. Il y a le mot mandat. Nimeona iko manda. Le mandat. Alafu kuna ingine. Kuna ya pili inaitwa mandate. Et le deuxième mot. Mantle, sorry. Il y a le mentor. Sasa kusema mandate ni wewe. Le mandat c'est toi. Ni ile kazi Mungu alikupatia. Le travail que Dieu t'a donné. Ile ujuzi uko nayo. La connaissance que tu as. Lakini mwenye anakuvalisha. Mais celui qui t'établit. Ile anakupatia mantle. Il te communique le manteau. Sasa ukiwa na mantle. Et quand tu as le manteau. Unaweza opérer mandate. Tu peux exécuter le mandat que t'as. Sasa unaweza kuwa umeitwa. Tu peux être appelé. Unaweza kuwa na nini kubwa. Tu peux avoir une grande destinée. Lakini baba ndiye atakupatia heritage. Mais c'est le père qui te donne l'héritage. Atakupatia heritage namna gani? Comment il te confère l'héritage? Kwa kuleta mantle ya kuoperate mandat. En te donnant le manteau qui va te permettre d'exécuter ton mandat. Sasa wakati tumepoteza ile connection na baba. Et lorsque nous perdons la connexion avec le père. Hatuna mantle ya kuoperate mandat. Nous manquons le manteau qui nous permet d'exercer notre mandat. Hawezi ukaendelea mbele. Tu ne peux pas évoluer. Utabakia mahali pamoja. Tu vas stagner. Utakuwa kama wale watu wanakimbia. Utakuwa kama mtu mwenye anakimbia na umesimama. Tu seras comme celui qui marque les pas. Tu mais tu es à un seul endroit. Unakuwa très occupé. Tu seras si occupé. Lakini hauendi mbele. Mais tu n'avances pas. Tunahitaji connection na baba. Nous avons besoin d'être connectés au père. Tukisha pata connection na baba, quand nous sommes connectés au Père, stagnation itakuwa imevunjika. La stagnation est brisée. Lakini wengi hatuna connection na baba zetu. Nombreux ne sont pas connectés à leur Père. Hatuna connection na baba ya kiroho. Nous ne sommes pas connectés à notre Père spirituel. Hatuna connection na baba ya kimwili. Nous ne sommes pas connectés à nos pères physiques. Inafaa tuwe connectés na baba ya kiroho na baba ya mwili. Il nous faut être connectés à notre Père spirituel et physique. Ni ya muhimu sana. C'est important. Sababu baba anapatiana heritage. Le père confère l'héritage. Sasa kama hauna heritage, et si tu n'as pas l'héritage, ni kusema unangangana unatembea tembea tu. Cela veut dire que tu vas divaguer. Mutu mwenye hana baba, quelqu'un qui n'a pas de père, anakuwa kama vagabond. Il est comme un vagabond. Atatembea tembea tu. Une vagabonde. Lakini mwenye ako na baba, mais celui qui a un père, ako na sus. Il a une source. Mambo ikikuwa ngumu, quand les choses deviennent dures, ataenda kutafuta conseil. Il va chercher le conseil. Ababa atajua mtoto anateseka hivi. Et le père va comprendre que l'enfant souffre. Mimi ushituka wakati mwingine. Je m'étonne quelquefois. Naweza kuwa nimepumzika kwangu. Je peux être chez moi, je me repose. Alafu nione baba yangu ananiuliza mambo ilipita jana. Et je vois mon père me demander des choses passées hier. Anambia Noah kulikuwa hivi na hivi. Il dit Noah, il y a eu ceci et cela. Na hii ndio ilikuwa shida. Et le problème était ceci. Fanya hivi na utafaulu. Fais comme ça et tu vas réussir. Nikifanya hivyo ninafaulu. Et quand je le fais, je réussis. Sababu ninakuwa na connection na baba yangu. Parce que je suis connecté à mon père. Wakati nilikuwa sina connection na baba, quand je n'étais pas connecté à mon père, nilikuwa karibu nikufe. Je voulais mourir. Nilifanya kazi mingi. Je travaillais beaucoup. Haikuwa na impact kubwa. Et le travail n'avait pas d'impact. Lakini ilikuwa inaniletea kifo. Et ça m'attirait la mort. Sasa tunahitaji baba. Nous avons besoin de père. Nini natu connecte na baba? Qu'est-ce qui nous connecte au père? Siku ingine miaka ya kitambo. Les années passées. Si années passées miaka kama ya 2000 huko. Vers les années 1999-2000. Nilikosana na baba yangu wa mwili. J'avais un problème avec mon père biologique. Sasa nikapotea nikaenda muville. Et je suis parti en ville, j'ai disparu. Nikakamu ville karibu mwaka mzima. Je suis resté en ville presque une année. Mambo yangu haikuendeka. Mes affaires ne marchaient pas. Nikaamua nirudi nyumbani. J'ai décidé de retourner à la maison. Niliporudi nyumbani. Et quand je suis rentré, nikasimulia na baba. J'ai dialogué avec mon père. Niliposimulia naye, en dialoguant, tukakubaliana. On s'est mis d'accord. Baba akaniambia, mon père m'a dit, kijana yangu nimekubariki leo. Mon fils, je te bénis aujourd'hui. Akachukua chemise yake. Il a pris sa chemise. Chemise yake mzuri. Une jolie chemise. Akaniambia ndio hii. Il me l'a dit. Enda sasa utafaulu. Prends et va, tu vas réussir. Na nilipoenda nilifaulu. Et quand je suis allé, j'ai réussi. Wakati tunapoteza connection na baba zetu. Quand nous perdons la connexion avec notre père, tunakuwa na stagnation. Il y a la stagnation qui nous menace. Tu ne peux pas évoluer si tu n'as pas un père. Unahitaji baba ya kiroho. Tu as besoin du père spirituel. Wengine tunafikiria kwa kukuja kanisani. Il y a des gens qui pensent qu'en venant à l'église, pastor amekuwa baba yetu automatiquement. Le pasteur devient automatiquement notre père. Hapana. Non. Lazima ufanye effort upande wako. Il te faut fournir un effort de ta part. Utafute connection na baba. Cherche la connexion avec ton père. Tunatafutanga aje connection na baba. Comment cherchons-nous la connexion avec le père? Tunatafuta relation. Nous cherchons la relation. Akuenda, tukue ndani ya mawazo yake. Que nous soyons dans ses pensées. Ninajua tuko wengi. Je sais que nous sommes nombreux. Lakini niliona papa yangu. Mais je vis mon père. Anakuwa na liste ya majina ya watoto wake wote. Avoir la liste de tous ses fils. Sasa ukienda chumba yake ya maombi, et quand tu arrives dans sa maison de prière, utapata ameandika yote iko pale. Il a toute la liste là avec lui. Wote anawaombea. Il prie pour eux. Hata kama ataomba tu kwa mstari mmoja mmoja. Même s'il prie superficiellement. Sasa usifikirie pasta akujui. Ne pense pas que le pasteur ne te connaît pas. Anakujua. Il te connaît. Lakini kweli wewe unakuwa na ile respect ya kusema huyu ni baba. As-tu la considération de dire que c'est un père? Lazima tukue na baba. Il nous faut avoir un père. Elisha ameitwa ni nabii. Élisée était appelé prophète. Wamemtabiria yeye ni nabii. On lui a prophétisé qu'il est prophète. Elijah amemwambia yeye ni nabii. Élie lui a dit tu es prophète. Lakini ndiye opéré ndani ya ile do mzuri. Mais pour opérer dans le don prophétique, ilihitaji afuate Elijah. Il a fallu qu'il soit disciple d'Élie. Waende pamoja. Qu'ils marchent ensemble. Dieu Elijah amupatie amwambie sasa opéré. Afin qu'Élie lui dit maintenant opère. Alafu Elisha aliopéré kuliko Elijah. Élie Élisée a opéré plus que Élie. Sababu leo hii, parce que aujourd'hui, nikiwa na mtoto, si j'ai un fils, ninamweka kwa mabega, je le mets sur mes épaules. Nikusema nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Ya ataona mbali kuliko mimi. Lui verra plus loin que moi. Baba yangu hajawahi kuja Congo. Mon père n'est jamais arrivé au Congo. Lakini mimi nimekuja Congo. Mais moi je suis arrivé au Congo. Nikusema nimeenda mbali kumliko. Cela veut dire que je suis allé plus loin que lui. Sasa haijamfanya akakosa kuwa important. Cela ne fait pas qu'il ne soit pas si important. Watu wengi siku hizi, nombreux aujourd'hui. Sababu umefanya kitu yenye hujawahi ona baba yako akifanya. Parce que tu as accompli ce que ton père n'a jamais accompli. Unaanza kujisikia. Tu penses que tu es plus important que ton père? Abana. Non. Baba anabakia kwa baba. Le père demeure père. Lazima umpatie heshima zake. Il te faut le respecter. Lazima ukue na connection na yeye. Il te faut être connecté à lui. Sababu heritage yako iko ndani yake. Parce que ton héritage est en lui. Anaweza kukupatia. Il peut te donner. Ama anaweza ona wakati bado. Et il peut dire que non, ce n'est pas le temps. Na kama wakati bado wewe ukiamua kwenda. Et quand le temps n'est pas encore là, mais tu décides d'aller, uko très exposé. Tu es si exposé. Hakuna fasi utaenda. Tu n'iras nulle part. Lakini siku baba anasema enda sawa. Mais le jour où le père dit va maintenant. Enda ubarikiwe. Va et sois béni. Utafanikiwa. Tu vas réussir. Connexion na baba. La connexion avec le père. Wakati tunapoteza connexion na baba. Quand nous perdons la connexion avec le père. Hatuwezi tukaendelea. Nous ne pouvons pas évoluer. Wacha niwaambie ukweli, hauwezi ukaendelea. Je te dis la vérité, tu ne peux pas évoluer. Kama huna connexion na baba. Si tu n'es pas connecté à ton père. Hauwezi ukaendelea. Tu ne peux pas évoluer. Unajuaje mtu mwenye hana connexion na baba? Comment peux-tu repérer quelqu'un qui n'a pas la connexion avec son père? Anaenda kusema udhaifu ya baba. Il propage partout le faiblesse de son père. Unakumbuka huyu kijana aliitwa Ham? Tu te rappelles de Ham, Shap Ham? Alifanya nini? Qu'est-ce qu'il a fait? Aliona Noa ako uchi. Il a vu la nudité de son père Noé. Yeye akakimbia kuambia wengine. Et il est allé propager auprès d'autres. Baba yangu ako uchi. Mon père est nu. Nini litendeka? Qu'est-ce qui s'est passé? Maandiko inasema. La Bible dit, Noah alipoamka kwa ile usiku kutoka kwa pombe. Lorsque Noé a quitté son ivresse, alilaani watoto ya Ham. Il a maudit le fils de Ham. Mwenye aliitwa Canaan. Kijana. Sham. Sham. Ouais. Sham. Sham. Si Ham. Okay. Sasa hiyo pronunciation inanishinda. Sasa yeye alilaani watoto yake. Il a maudit les enfants de Sham. Alilaani watoto wake wote kweli. Est-ce qu'il a maudit vraiment tous ses enfants? Bana. Non. Alilaani Canaan. Il a maudit Canaan. Sasa watu wengi usema Afrika tumelaaniwa. Et les gens disent Afrique on est maudit. Hapana hatujalaaniwa. On n'a jamais été maudit. Wa Israeli walitoka Egypte kwenda Canaan. Israël a quitté Egypte pour aller à Canaan. Sasa Israeli iko wapi? Où est Israël? Iko Middle East, eh? Iko East, eh? Et ils sont en Est. Wa Canaanites ni wale wa huko, si African. Les Cananéens sont les gens de là, ce ne sont pas les Africains. Tu n'as jamais été maudit. Ile théologie ya kusema Afrika tulilaaniwa kutoka siku za Noa. La théologie de qui dit que non, on a été maudit depuis Noé. Ni uongo. C'est du mensonge. Hatujalaaniwa. On n'a jamais été maudit. Hatujalaaniwa popote. On n'a jamais été maudit nulle part. Maandiko inasema. La Bible dit. Amebarikiwa Egypte mwanangu. Mon fils était béni en Égypte. Non. Egypte mwanangu amebarikiwa. Egypte mon fils est béni. Sisi tumebarikiwa. Nous sommes bénis. Sababu civilization ya kwanza Afrika ilikuwa Egypte. La première civilisation en Afrique c'était l'Egypte. Sasa Biblia ikiongea habari ya Egypte. Et quand la Bible parle de l'Egypte. Inasema wewe na mimi. Ça parle de toi et moi africain. Inasema wale wako South Africa. C'est parle de ceux qui sont en Afrique du Sud. Wajana na hii jina Africa. Laisse le mot Afrique. Sababu hii jina Africa ni ni nani? Huyu mtu aliitwa leo Afrikana ndiye alituita Afrika. La personne qui était qui s'appelle Afrique. Leo African ndiye alitupatia jina Afrika. La personne qui s'appelait Africain, c'est lui qui nous a donné le nom Afrique. Sasa wewe umebarikiwa. Mais toi tu es béni. Par ta connexion na baba. Au travers de la connexion avec ton père. Alafu itakuwa mzuri. Et c'est bien. Uhusiano gani tunakuwa nayo na baba? Quelle relation avons-nous avec le père? Relation gani tunakuwa nayo na baba? Quelle relation avons-nous avec le père? Badala ya kulaani baba. Après que l'on ait Watu wanalaani baba. Après que l'on ait maudit le père. Wanaanza kusema maneno ya baba. Les gens qui propagent les affaires du père. Na kuna kitu inafaa tuwe tunafanya. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Leo wacha niwaonyeshe. Laisse-moi vous montrer. Wacha niwaonyeshe physically. Je vous montre physiquement. Papa kuja. J'invite papa. Hey, papa kuja. Tumpigie papa makofi. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa? Keti hapa. Mettez-vous. Sasa huyu ni Musa. Lui c'est Moïse. Maandiko inasema. La Bible dit. Kukakuwa na vita wakati Israel wanapigana na Amalek. Israël s'est batté avec les Amalécites. Maandiko inasema. Il est écrit. Moïse alikuwa naeka mikono yake juu. Moïse élevait ses mains. Wakati mikono yake ilikuwa juu. Lorsque ses mains étaient élevées, walikuwa anashinda vita. Ils étaient victorieux. Wakati mikono yake ilikuwa chini, lorsque ses mains baissaient, Israël walikuwa anapigwa. Israël était frappé. Sasa sisi kama huyu ni baba yetu, et si cet homme est notre père, na tunataka tushinde vita, et que nous voulons vaincre, nini tutafanya? Qu'allons-nous faire? Tutahakikisha mikono yake iko juu. Nous allons nous rassurer que ses mains sont élevées. Tunaishikilia juu. Nous les soutenons élevés. Karibu pastor Jambati. Karibu papa Mark. Sasa yeye anaomba. Maintenant lui il prie. Wacha aweke mikono juu. Laisse qu'il élève ses mains. Baada ya dakika mbili, après 2 minutes, hiyo mikono itakuwa imechoka. Ses mains seront fatiguées. Sasa hawa ni watoto. Ce sont des fils. Kazi gani wanafaa wafanye? Quel travail vont-ils faire? Sababu destinée yao iko kwa mikono yake. Parce que leur destinée est dans ses mains. Mikono yake ikienda chini, si ses mains baissent, huko kazini unapigwa. Au travail tu seras giflé. Sababu yeye amekaa hapa. Parce qu'il est assis ici. Na wewe huko kwa vita. Et toi tu es là à la bataille. Huko kazini. Tu es au travail. Huko kwa biashara. Tu es dans le business. Mikono yake inafaa iwe wapi? Il faut que ses mains soient. Inafaa ikue juu. Élevé. Wakati tunaishikilia juu. Quand nous le soutenons plus haut. Tunaendelea vizuri. Nous continuons. Na sasa wawili hawa wakishikilia juu. Et si ces deux soutiennent plus haut. Est-ce que wataweza hadi jioni? Réussiront-ils jusqu'au soir? Tunahitaji watu wengine. Nous avons besoin d'autres personnes. Watu wengine wawili wakuje. Deux personnes viennent. Kujeni papa kujeni. Deux personnes. Kuja na kiti. Kuja viens avec la chaise. Kuja wawili kuja na kiti. Venez avec vos chaises. Kuja na kiti kuja papa. Sasa hawa pia wameshikilia. Ces deux soutiennent. Hawa ni wandugu zetu. Ce sont nos frères. Wandugu zetu ndani ya kanisa. Nos frères à l'église. Wameshikilia pasta. Ils soutiennent le pasteur. Wanaweza simama hivi mchana mzima. Ils peuvent tenir toute la journée. Hapana. Je crois non. Watahitaji wewe na mimi. Ils vont vouloir que toi et moi. Tuwaweke viti. Nous puissions leur donner des sièges. Waweze kukaa. Pour qu'ils se mettent. Ndio waendelee kushikilia mikono juu. Afin qu'ils continuent à soutenir le main. Élevé. Unaona vile tunafaa tuwe tunafanya. Vous voyez comment devons-nous faire? Inafaa tuchunge baba. Nous devons protéger et garder le père. Inafaa tu support wale wenye wako karibu yake. Nous devons soutenir ceux qui sont près de lui. Tusipofanya hivyo. Si on le fait pas. Akiweka mikono chini. Si le main baisse. Wewe unaumia. Tu vas être giflé. Maandiko inasema namna gani? Que dit les écritures? Maandiko inasema wao walikuwa wanapigana. Et se battaient. Lakini Moïse alikuwa juu kwa mlima. Mais Moïse était à la montagne. Yaki inua mikono. Et quand il élevait le main. Wale wanashinda vita. Ils étaient victorieux. Akiweka chini mikono. Quand il baissait le bras. Nyinyi hamfaulu. Vous échouez. Sasa est-ce que wewe unashika baba mikono? Est-ce que tu soutiens le père? Amu naachilianga mikono yake inakuwa chini. Où tu laisses ses mains par terre. Alafu naanza kusema kanza yetu siku hizi imepoteza anxio. Et puis tu commences à dire dans notre église il y a pas d'onction ces derniers temps. Tunatoa sadaka hata hakuna kitu inafanya. Nous donnons l'offrande et ça ne fait rien. Unaendelea kushukisha mikono ya baba. Tu es en train de baisser le bras du père. Utafaulu kweli? Vas-tu réussir? Sasa kwa sababu tumefanya hivi. Parce qu'on a fait comme ça. Si tuinuke dakika moja tumuombe baba basi. Mais levons-nous pour prier maintenant pour notre père. Muombe baba sasa. Levons-nous s'il vous plaît, et prions pour notre père. Élevons ses mains. Mwambie baba kuanzia leo. Du Seigneur à partir d'aujourd'hui. Nitashikilia baba yetu hapa. Je vais soutenir mon père ici. Nitamuombea. Je vais prier pour lui. Na sasa ninamuombea. Et maintenant je prie pour lui. Ninamuombea neema. Je prie la grâce en sa faveur. Ninamuombea nguvu. Je demande la force pour lui. Ninamuombea capacité à kuendelea. Je demande la capacité d'avancer pour lui. Ninamuombea kibali. Je demande la faveur en sa faveur. Ninamuombea afya mzuri. Je demande la santé. Ninaombea afya jamii yake, sa famille, Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Hebu omba kwa bidii. Prie avec force. Omba kwa bidii. Prie avec vigueur. Tuseme kama watoto ya baba. Parle comme enfant de père. Leo tunaombea baba yetu hapa. Mungu amshike baba yetu. Que Dieu soutienne notre père. Mungu ampatie kila kitu anahitaji. Que Dieu lui donne ce qu'il veut. Sababu mikono yake ikikuwa juu. Parce que si ses mains sont plus haut. Sisi tunafaulu. Nous allons réussir. Mikono yake ikiwa chini. Si ses mains baissent. Sisi hatuwezi kufaulu. Nous n'allons pas réussir. Nataka umuombe kwa jina la Yesu. Prie pour le père. Muombe baba kwa jina la Yesu. Prie pour le père. Muombe kwa jina la Yesu. Prie pour le père. Lord, we thank you for Father here. Nous te bénissons père. Baba tunakushukuru kwa baba yetu. Merci pour notre père. Vile tumeinua mikono yake Jehovah. Comme nous élevons ses mains. Kama kanisa leo tunaomba. Comme église nous prions. Utupatie nguvu tumushikilie. Donne-nous la force de les soutenir. Tushikilie mikono yake. Soutenir ses mains. Mikono yake isiwahi rudi chini. Que ses mains ne baissent point. Baba tumemwombea afya. Nous prions pour sa santé. Tumeombea mahitaji yake yote. Ses requêtes. Tumuombea mke wake na watoto. Sa femme et ses enfants. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Baba washikilie. Père soutiens-le. Tembea pamoja na wao. Marche avec eux. Wapatie kibali kwa nchi ya Congo. Donne-leur la faveur au Congo. Wapatie kibali nchi za nje. La faveur en dehors du Congo. Baba enenda pamoja na wao. Marche avec eux. Wajaze nguvu tena. Soutiens-le père. Wajaze neno kwa sababu yetu. Remplis la parole en eux pour nous. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Asante baba wa mbinguni. Merci Père éternel. Thank you Lord. Merci Éternel. Tunaweza kuti. Sawa, turudi. Tunaweza beba viti sasa. Naona tumeelewa sasa. Je pense que nous avons compris. Tumeelewa sasa. Nous avons compris. Sababu wengi wetu. Parce que nombreux. Tunatoa uchi ya baba. Tunamnyang'anya nguo. Nous ravissons le vêtement au père. Nous devons lui donner le vêtement, lui vêtir le vêtement. Nous devons élever plus haut. S'il élève ses mains, nous réussissons. L'importance du Père. Demande à ton voisin. As-tu la connexion avec le Père? Comment as-tu la connexion? Ni vizuri kuwa connecté na baba. Il est important d'être connecté au père. Wakati wote. À tout le temps. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Hiyo ni sababu ya kwanza tunastagne. C'est la première cause qui fait que nous stagnons. Wakati tunapoteza connexion na baba. Quand nous perdons la connexion avec le père. Hatuwezi tukaendelea. Nous ne pouvons pas évoluer. Sababu source yetu imekatwa. Parce que notre source est déconnectée de nous. Kitu cha pili kinazuia sisi tusiendelee. Deuxième chose qui nous fait stagner. C'est la rébellion. Wakati tunawasi, tunaasi. Quand nous devenons rebelles. Na kuasi ni rahisi sana. Il est facile d'être rebelle. Na nimegundua watu wenye wanaasi. Les gens qui deviennent rebelles. Wanaongea sana. Parlent trop. Ukiona mtu anaongea sana. Quand tu vois quelqu'un commencer à parler trop. Anaongea vile kanisa yao ni mbaya. Il critique négativement son église. Anaongea vile wazee wa kanisa ni mbaya. Il critique négativement les anciens de l'église. Mimi ujua ako na rébellion. Sache qu'il a un esprit de rébellion. Sababu rébellion. La rébellion. Inataka vitu zifanywe vile mimi nataka. Veut que les choses soient faites telles que moi je veux. Kwa vile zinafanywa faso ingine. Lorsque les choses sont faites en dehors de ma manière de voir les choses. Ninaona ni mbaya. Je trouve que c'est mauvais. Sasa nitakritiquer. Et maintenant je critique. Kulingana na standardi yenye mimi nimeweka. Selon ma perception. Hata kama ni kweli ama uongo. Même si c'est vrai ou faux. Nitakuwa na kritike sana. Je vais beaucoup critiquer. Siku ingine ninafurahia mhubiri mmoja. J'ai beaucoup aimé un orateur. Alikuwa ancien de l'église. Il était un ancien de l'église. Akaingia kwa église akaomba sana. Il est entré et prié dans l'église. Baada ya miaka mingi. Après beaucoup d'années. Akaona makosa ya kanisa yao. Il a vu les erreurs de son église. Akaenda kuomba mbele ya Mungu. Il est allé prier devant Dieu. Akaenda akasema baba Mungu. Il a dit père. Unionyeshe penye nitaenda. Montre-moi là où je vais aller. Sababu kanisa yetu ni mbaya. Parce que mon église est mauvaise. Wazee hawasikii maneno. Les anciens n'écoutent pas la parole. Wanatumia pesa vibaya. Ils utilisent mal l'argent de l'église. Hatufanyi evangelization. On n'évangélise pas. Akataja mambo mingi sana. Il a parlé de beaucoup de choses. Akaomba, akafunga, akaomba siku mingi. Il a jeûné et prié pendant longtemps. Siku ya mwisho, le dernier jour, Yesu akamtokea. Jésus lui est apparu. Akamwambia maneno yote umesema. Il lui a dit tout ce que tu as dit. Pia mimi nayajua. Même moi je le sais. Na hata pia mimi nahuzunika sana. Et je suis attristé. Alafu akamwambia. Mais il dit, unajua kwa nini nilikuruhusu uingie hapo? Sais-tu pourquoi je t'ai amené là? Sababu mimi nilikufa kwa sababu ya hayo mambo. Parce que je suis mort à cause de ces choses. Sasa nataka uende ulipe gharama hiyo mambo ikuwe mzuri. Et je veux que tu payes le prix travail pour que ces choses redeviennent bonnes. Enda ukufe pia kwa sababu ya hiyo. Va, sacrifie-toi pour ces choses. Ili mambo ikuwe mzuri. Pour que les choses réussissent. Hakuna mahali unaenda. Il y a nulle part où tu vas aller. Sisi hatukukua wazuri jameni. Nous n'avons pas été de bonnes personnes. Tulikuwa watenda dhambi wabaya. Nous étions des pécheurs de mauvais goût. Ungeniangalia ungeona makosa milioni moja. Si tu pouvais me voir, tu allais repérer beaucoup de pécheurs. Lakini Yesu alikufa sababu yangu. Mais Jésus est mort pour moi. Sasa wewe Mungu akikupatia opportunité ukaona makosa yangu. Et quand tu te donne l'occasion de voir mes erreurs. Ni kusema Mungu amekuchagua uniombe. Cela veut dire que Dieu t'a choisi afin de prier pour moi. Ni kuwe salama. Afin que je sois bien. Nikae vizuri. Que je sois stable. Si uende waambie watu. C'est pas pour aller dire aux gens. Hapana. Non. Ni unisaidie uniombe. C'est pour que tu m'aides et que tu pries pour moi. Useme Yesu anitengeneze. Que tu demandes à Jésus de me façonner. Lakini rebelio kanisani. Mais la rébellion à l'église. Watu wana makosa. Amène les gens à voir les erreurs. Alafu wanataka kuonyeshana hii ndio mbaya. Et ils commencent à exposer ces mauvaises choses. Wanaanza kutembea wameweka mikono kwa mifuko. Ils marchent en mettant les mains dans leurs poches. Wanasikia mzuri sana. Et ils se sentent dans le confort. Wao ni watakatifu kuliko kanisa yao. Ils sont plus saints que les autres. Rébellion. C'est un esprit de rébellion. Unajua Miriam na Aaron. Miriam et Aaron, waliona makosa ya Moïse. Ils ont vu les erreurs de Moïse. Walipoona ile makosa. Et quand ils ont vu cela, nini walifanya? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Walienda kuanza kusema ati wewe Moïse, kwani wewe ndio Mungu anaongelesha peke yake? Ils ont commencé à dire mais est-ce que c'est à toi seul que Dieu doit parler seulement? Walitoka dimension ya makosa. Ils ont quitté dans la dimension de repérer les erreurs. Wakaenda dimension ya mwito ya Moïse. Et aller à la dimension de s'acharner contre l'appel de Moïse. Maandiko inasema Mungu akasikia. Et la Bible dit que Dieu entendit. Sasa leo hii, aujourd'hui, mimi ni pasteur. Je suis pasteur. Si mimi nilijifanya kuwa pasteur. Je ne me suis pas établi pasteur. Lakini ukitoka kwa dimension mimi nimekukosea. Mais quand tu quittes à la dimension où moi j'étais offensé. Uanze kusema Noah anajifanya pasteur. Et critiquer mon appel pastoral. Sasa si mimi unatukana. C'est pas moi que tu critiques. Ni yule alinifanya pasteur. C'est celui qui m'a établi. Kwa hivyo mimi nitainama chini. Je vais m'agenouiller. Ndio nyinyi mupatane huko. Afin que toi tu arranges avec lui. Na mukipatana najua utafurahi. Et quand tu le rencontres, ça ne sera pas bon pour toi. Rébellion. La rébellion. Rébellion inajaa ma critique mingi. La rébellion est caractérisée par beaucoup de critiques. Rébellion, watu ya rébellion wanataka wakuwe na confort. Le rebelle veut être dans le confort. Mutu mwenye ako na rébellion ukimutuma. Quelqu'un qui a un esprit de rébellion quand il envoie, anaona magumu yenye tampata akienda. Il voit les dangers qu'il va rencontrer s'il part. Ana compare na ile furaha konayo leo hapa. Il compare ses épreuves avec le confort qu'il a aujourd'hui. Anakuambia hapana. Il dit non, niet. Siku ingine, nilikuwa nasikiza témoignage. Un autre jour, je suivais un témoignage. Na ilikuwa huyu bishop ya Ghana anaitwa Doug. Et c'est un bishop ghanéen, Doug, qui témoignait. Alikuwa anatuma watu misio. Il envoyait des missionnaires. Sasa akakuwa nao wengi. Il en avait tellement assez. Akaambia wewe tunakutuma États-Unis. Elle dit toi nous t'envoyons aux États-Unis. Ndugu anasema haleluya na furahi sana. Et le bien-aimé disait gloire à Jésus. Wewe tunakutuma Paris. Toi tu pars à Paris. Haleluya mzuri sana. Il disait gloire au Seigneur. Akafika kwa mwingine. Il est arrivé à un autre. Akamwambia wewe tunakutuma Bamako. Il dit Mali. Toi nous t'envoyons à Mali. Ule ndugu akasimama. Il s'est levé. Akasema I refuse in Jesus name. Il dit je refuse au nom de Jésus. Sasa Mungu huwa tutumi mahali pana tunafurahia. Dieu ne nous envoie pas seulement là où nous voulons. Mungu tutuma mahali penye ametupreparer. Dieu nous envoie là où il nous a préparé le terrain. Lakini tukikatane rebelio. Mais lorsque nous refusons, c'est la rébellion. Sababu ndani yetu ameweka maji ya uzima. Parce qu'en nous, il a déposé l'eau de vie. Sasa hata ukienda ku desert bado uko na maji. Quand tu vas dans le désert, sache que tu as de l'eau en toi. Sasa uko préparé kuwa hapa. Alors tu es préparé à être ici. Wacha kuleta fujo. Cesse de troubler. Ngojea baba akutume. Sois tranquille, attends que le père t'envoie. Na siku baba anakutuma. Et le jour où le père t'envoie. Anasema wewe. Il dit toi viens. Nimesikia mwito. Je sens l'appel. Wewe nimekutuma kimbia hapa. Je t'envoie à voilà. Hapa Masisi ende ufanye kazi pale. Va à Masisi accomplir la mission. Ujue uko préparé kwa sababu ya ile. Sache que tu as été prédestiné à cela. Na iko provision sababu ya ile. Et tu as une provision pour cela. Lakini rebellion huwa inakata. Mais la rébellion te pousse à dire non. Rebellion. La rébellion. Maandiko inasema acha nisome Biblia. Nimesoma kweli? Est-ce que je jali? Ninasema tu mambo mengi na mnashindwa inatoka wapi? Okay, acha nisome moja. Nous allons lire la parole. Psaume 68. Psaume chapitre 68. Verset à qui en gapi. Psaume 68. Verset 6. Nous lisons Psaume 68, le verset 6. Le père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Le rebelle seul habite des lieux arides. Amen. Amen. Le rebelle habite les lieux arides. Mimi ntasema les lieux sécheresses. Le rebelle habite des lieux secs. Ah, sec, pas sécheresse. Français, c'est une langue étrangère. Qui farance ni lugha ya nje. Ça, c'est non. Sababu ya kuishi ndani ya rébellion. À cause de demeurer dans la rébellion, huwa hawezi ukaendelea. Tu ne peux pas évoluer. Sababu rébellion inataka comfort. Parce que la rébellion nécessite le confort. Inataka sécurité. Nécessite une sécurité. Inataka ikae penye iko. Nécessite être là où l'on est. Rébellion haitaki mtu aende. La rébellion ne veut pas que quelqu'un quitte. Rébellion inataka ionekane mzuri machoni pa watu. La rébellion veut toujours que l'on apparaisse bien aux yeux des gens. Mtu akikuwa na rébellion alafu watu wakamsema. Quand quelqu'un a l'esprit de rébellion et que les gens parlent ataomba aseme namna hii. À son sujet, atasema baba wajue mimi ni mpakwa mafuta. Il va dire Seigneur que ces gens sachent que je suis ton serviteur. Unipiganie waziwazi waone. Combat pour moi publiquement et qu'ils voient. Ukiona mtu anaomba hivyo. Quand tu vois quelqu'un prier comme ça. Ujue Mungu atajibu. Sache que Dieu ne va pas exaucer. Sababu yeye mwenyewe ndiye alisema. Parce que c'est lui seul qui l'a dit. Yeye atadecide wakati ya kutupigania. C'est Dieu qui décide de quand combattre pour nous. Lakini mimi nikiomba anipiganie. Et quand je prie pour que Dieu combatte pour moi. Ni kusema najaribu kudefendre position yangu. Cela veut dire que je défends ma position. Najaribu kudefendre image yangu. Je défends ma propre image. Nilikataa kudefendre image yangu. Je refusais de défendre mon image. Mtu akuja akasema Noa wewe ni mwizi. Quand quelqu'un vient dire Noa tu es voleur. Kitu ya kwanza nitafanya. La première des choses que je ferai. Nitasonga kando. Je vais reculer un tout petit peu. Mungu na wapi mimi ukua naiba. Pour dire Seigneur où est-ce que j'ai volé? Unisaidie nione. Aide-moi pour repérer. Alafu nitengeneze nihakikishe mimi si mwizi. Afin de réparer et de me rassurer que je ne suis pas voleur. Nikisha hakikisha mimi si mwizi. Quand je me rassure que je ne suis pas voleur. Ninawachana na maneno yenye wanasema. Je laisse les calomnies qu'ils font contre moi. Sababu maneno ya uongo. Parce que les calomnies huwa haina miguu. N'ont pas de pied. So haiwezi kasimama. Ils ne peuvent pas tenir debout. Maneno ya ukweli. Les paroles véridiques inakuwa na miguu. Ont le pied. Itasimama. ça tienne debout. Leo mtu akikuja akaniambia fulani ni mwizi. Quand quelqu'un vient me dire que telle personne est voleur, mimi muuliza maswali mbili. Je lui pose des questions ou trois. Moza, oh, aliiba siku gani? Il a volé quel jour? Nini aliiba? Qu'est-ce qu'il a volé? Na ilikuwa ya nani? Et c'était à qui? Na alifanyia nini vitu aliiba? Et pourquoi a-t-il volé? Ukiweza kujibu hiyo. Qu'a-t-il fait avec ce qu'il a volé? Ukiweza kujibu hiyo ni kusema umejua ni kweli. Quand tu réponds à ces questions, donc tu sais que c'est la vérité. Lakini kama uwezo kujibu mambo kama hiyo. Mais quand tu ne réponds pas à cela, wacha na hiyo maneno. Laisse ces histoires. Usiseme. Ne parle pas. Rebellion pia inajitokeza na ma attitude. La rébellion se manifeste au travers les attitudes également. Attitude, eh? Les attitudes. Unaona ndugu anakuja kuuliza? Tu vois quelqu'un venir poser la question. Oh, huyo ndio pasta. Si ton c'est un pasteur. Ako na watoto ngapi? Il a combien d'enfants? Amekuwa mchungaji miaka ngapi? Il est pasteur pendant combien d'années? Unajua kwa nini anauliza hayo maswali? Savez-vous pourquoi il demande cela? Anauliza. Il demande cela. Ndio ajue kote gani atamweka. Afin de savoir dans quelle catégorie il va le placer. Ajue kama amemshinda ama hapana. Afin de savoir s'il est plus haut que lui ou pas. Attitude. L'attitude. Alafu watu wanataka kujua zaidi ya vile wanafaa wajue. Et les gens veulent connaître au-delà de ce qu'ils doivent savoir. Hiyo yenye umejua imetosha. Ce que tu connais suffit. Juu ya watu imetosha. Au sujet des gens, ce que tu sais suffit. Wacha kuuliza uliza maswali mingi. Cesse de chercher à beaucoup connaître. Kwani unaulizia unataka kufanyia nini? Tu te renseignes pour quelle raison? Atieni tribe gani? Ye tribe yake ni gani? Ni kabila gani? Tu demandes pour connaître sa tribu. Pour quelle raison? Hiyo haitakusaidia. Sasa ukishajua tribe yangu, halafu si tu connais ma tribu, ça t'avantage en quoi? Ukishajua niko na watoto 10 halafu. Quand tu sais que j'ai 12 enfants, en quoi ça t'avantage? Labda unaweza niuliza mwenyewe. Uniambie, uko na watoto wangapi nilitaka kuwanunulia nguo? Nitakwambia. Tu peux me poser la question, tu as combien d'enfants? Je voulais payer pour eux les habits. Là, je vais te dire. Lakini unataka tu kuniuliza halafu useme, "Oh, okay." Là, tu veux juste me demander par curiosité. Aïe, ça n'aide en rien. Rébellion. L'esprit de rébellion. Rébellion inajitokeza kwa attitude. Ça apparaît par l'attitude. Alafu, kitu ya mwisho na rébellion. La dernière chose avec la rébellion. Na kuna mambo mengi ya rébellion. Il y a beaucoup d'éléments dans la rébellion. Ninagusia tu juu. Je parle superficiellement. Kitu ya mwisho na rébellion. La dernière des choses avec la rébellion. Sababu mtu huwa amejinua. Parce que cette personne s'élève, huwa hawajui kusema pole nilikosea. Il ne sait jamais demander pardon, j'étais offensé. Hawezi. Il ne dit jamais pardon. Rebellion haiwezi kumruhusu akasema pole nilikosea. La rébellion ne te pousse pas à t'humilier et demander pardon. Alafu rebellion inafanya wewe mwenyewe hawezi ukajisamehea. La rébellion te pousse même à ne pas te pardonner. Utakuwa unaona mtu anasema je regrette. Nina regrette sana. Tu pourras juste en train de dire non, je regrette. Kwa nini nilifanya hivyo? Pourquoi je fais cela? Singefanya. Je n'allais pas agir ainsi. Mwaka ya kwanza singefanya. Il ne fallait pas que je fasse comme ça. Sababu unataka watu waone image nyingine. Tu veux que les gens voient une image autre de toi. Na ulikosea wakaona image nyingine. Alors ulikosea kidogo wakaona image nyingine. Tu as offensé, ils ont vu une image et tu veux qu'ils voient une autre image par rapport à ce que tu as fait. La rébellion ndani yako. La rébellion en toi. Inafanya regrette. Inakataa. Ça refuse. Na nataka uelewe. Comprends. Rébellion na kiburi ni kitu moja. La rébellion et l'orgueil sont des jumeaux. Eh, ni kitu moja. Sasa utaona yote inafanana. Ça ressemble. Sema, hey. Si anaongelea habari ya kiburi. Tu diras non, il parle de l'orgueil. Ni kiburi na kaanga ndani ndio rebellion. L'orgueil qui est à l'intérieur, c'est bien ça la rébellion. Sababu bila kiburi ndani, sans l'orgueil, ukakuwa na rébellion. Tu ne peux pas être rebelle. Itakuwa humilité. Ça sera l'humilité. Rébellion. La rébellion. Kitu cha tatu. La troisième des choses. Kitu cha tatu. Ambacho kinafanya watu wanakuwa na stagnation. Qui fait que les gens stagnent? Ya kiroho. Spirituellement. Ni kukosa kuelewa. C'est le manque de compréhension. Hawaelewi. Les gens ne comprennent pas. Kwa sababu hawaelewi. Parce qu'ils ne comprennent pas. Wanataka kuenda na vitesse kuliko yenye Mungu anawapeleka nayo. Ils veulent aller avec une vitesse qui devance Dieu. Alafu wanaenda wanajigonga. Alors ils se cognent quelque part. Wanaanguka chini. Et ils tombent par terre. Nilikuwa ninaambiwa na ndugu yangu. Mon frère me disait. Alikuwa anaendesha gari ku barabara. Il conduisait le véhicule. Naye akajua mbele kuna camion. Il savait qu'il y a un camion devant. Kwa hivyo yeye anakuja kwa vitesse ya chini. Alors il a redressé la vitesse. Gari ingine ilikuwa nyuma yake. Un autre véhicule qui était derrière lui. Anampigia matana anataka kwenda. A allumé le phare. Ndugu yangu anamuonyesha hapa anangojea kidogo. Mon frère a pu allumer le clignotant. Kumwambia usiende. Pour dire qu'il n'y a pas de passage. Huyo akasema huyo hajui kuendesha gari. Mais cet homme dit non, cette personne ne sait pas conduire le véhicule. Akampita na akaingia chini ya camion na akabaki hapo. Il a dévancé vite et il a cogné le gros camion et il est tombé par terre. Sasa niulize aliendelea. Alors je te pose la question, a-t-il continué? Alibakia. Il est resté. Nimeona kwetu. Je vis chez nous. Kuna kwa na polisi ya vitesse. Il y a le roulage. Sasa wanakuwekea vitesse fulani kwa barabara. Il y a la police qui contrôle le vitesse. Ukienda mbio sana. Quand tu cours vite. Kuliko ile vitesse. Au-delà de la vitesse mentionnée. Wa polisi wengine. Certains policiers. Watakusimamisha. Vont t'arrêter. Alafu watachukua kile ya gari. On va prendre les contacts du véhicule. Ataka nayo kwa mfuko. Ils vont rester avec. Kwa lisaa limoja anapumzika tu nayo. Parce que pendant une heure, il reste avec. Akwambia sulikuwa unaenda mbio. Il dit, n'est-ce pas tu allais vite? Sasa enda tuone. Va, maintenant voyons comment tu vas aller. Sasa ninafikiria Mungu pia utufanya hivyo. Et Dieu nous fait comme ça. Sababu hatuelewi maneno. Lorsqu'on ne comprend pas. Connaissance. Le manque de connaissance. Na ile imeandikwa katika kitabu cha Ayubu. Et cela est écrit dans Job. Sababu hatuelewi vile Mungu anafanya. Lorsque nous ne comprenons pas la manière dont Dieu opère. Tunashindwa. Nous échouons. Tunafanya maneno ingine. Nous faisons autre chose. Ayubu chapitre 23. Job chapitre 23. Ayubu 23 verset 8 à 9. Job chapitre 23 verset 8 à 9. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Amen. Amen. Unaona hiyo mstari wa 9. Le 9e verset. Anasema anafanya kazi mkono wa kushoto. Il dit il fait le travail à la main gauche. Gauche, droite ou gauche? Gauche. Yes, gauche. C'est gauche. Alafu siwezi nikamuona. Je ne peux pas le voir. Ni kusema Mungu anafanya kazi. Dieu travaille. Lakini haumuoni. Tu ne le vois pas. Lakini kwa sababu tunakuwa impatient. Mais parce que nous sommes impatients. Tunawachana nayo. Nous délaissons ces procédures. Tunawacha kutengenezwa. Nous fuyons le façonnement. Alafu tunapoteza ile opportunité ya kwenda pamoja na Mungu. Et nous perdons l'opportunité de marcher avec Dieu. Tena tunaanza kurudia. Et nous commençons à retourner. Na procedure ya Mungu ama politiki ya Mungu. Et la politique de Dieu. Kuna wakati anafanya kazi ndani ya maisha yetu. Il travaille dans notre vie. Na sisi hatumuoni. Sans que nous ne voyons. Na uwezo ukamuona. Et tu ne peux pas le voir. Sasa ukivumilia hapo ndani. Mais quand tu patientes, tu demeures. Utamaliza uende. Tu vas finir. Lakini kama unakuwa impatient. Mais quand tu es impatient. Sababu hauna connaissance. Parce que tu n'as pas la connaissance. Na caractère ya Mungu. Le caractère de Dieu. Utatoroka. Tu n'en as pas, tu vas fuir. Wacha nikuonyeshe exemple kwa Biblia. Je te montre un exemple dans la Bible. Unakumbuka Sauli. Tu te rappelles de Saül. Mungu anatafuta mfalme. Dieu cherche un roi. Na anaona hii Sauli. Et il voit Saül. Nataka kufanya kazi ndani yake. Et dit je vais travailler. Nitamtoa aje kutoka kwa nyumba ya baba yake. Comment vais-je le faire quitter la maison de son père? Ndio niweze kumleta kukutana na Samuel. Afin de l'amener à rencontrer Samuel. Nikimwambia tu mara moja nataka kukupeleka kwa Samuel. Si je lui dis je t'amène à Samuel. Labda watu ya nyumba yao watamuua. Les gens de sa famille peuvent le tuer. Labda atapata mashida zingine. Peut-être qu'il aura d'autres problèmes. Mungu anasababisha punda zinapotea. Dieu a occasionné que les ânes de son père se perdent. Wakati zinapotea, quand ils sont perdus, Baba anatuma Sauli kwenda kutafuta. Son père a envoyé Saul aller les chercher. Mungu anafurahia. Dieu était content. Nasema, sasa nimeshamtoa kwa nyumba ya baba. Et dit, je l'ai fait quitter la maison de son père. Sasa hapa nitamshika vizuri. Maintenant, je vais l'attraper. Sasa Sauli anatafuta punda. Saul a cherché le zanes. Na ako na msaidizi. Il avait un serviteur avec lui. Msaidizi anasema. Le serviteur dit. Twende tuone Samueli. Allons voir Samuel. Yesu akasema. Jésus a dit. Nitawatumia msaidizi. Je vous enverrai une aide. Msaidizi anasema. L'aide dit. Kwa sababu mambo imekusumbua. Parce que ces choses t'ont. Tuende ufunge kidogo uombe. Parce que ces choses t'ont tourmenté, mais va prier. Sijui kama unanipata. Est-ce que tu me comprends? Sababu kuna msaidizi. Il y a une aide. Msaidizi anatuongoza wapi? Cette aide nous conduit kushikana na destinée zetu. À nous accrocher à notre destinée. Msaidizi wa Saul anasema. Le serviteur de Saul dit. Enda kwa Samueli. Va chez Samuel. Enda kwa prophète. Va chez le prophète. Samueli. Samuel. Enda kwake. Va chez lui. Sisi tuko na msaidizi. Nous avons une aide. Vitu yetu imepotea. Nos choses ont été perdues. Mambo yetu haiendi vizuri. Nos affaires ne marchent pas. Shida zimekuwa mingi. Il y a beaucoup de défis. Masumbufu iko mingi. Les problèmes sont énormes. Tuko na msaidizi. Nous avons une aide. Anasema. Il dit. Suingie maombi. Entre en prière. Suende uone pastor. Va voir le pasteur. Suende kanisani. Va à l'église. Msaidizi anakusukuma. Notre aide nous pousse. Mungu anafanya kazi. Dieu travaille. Daudi akasema. David a dit, kabla sija teseka, avant que je ne souffre, sikujua neno lako, je n'ai pas su ta parole. Lakini sasa, maintenant, nimelishika neno lako, je saisis ta parole. Nitatembea na neno lako. Je vais marcher avec ta parole. Uko na msaidizi. Tu as une aide. Sasa unaweza kuwa haujui. Il se peut que tu ne le connais pas. Msikize msaidizi. Écoute. Ton aide. Atakurudisha kwa maneno ya Mungu. Il va te ramener à la parole de Dieu. Mambo ambayo inafanya tukue na stagnation. Les choses qui font que l'on stagne. Leo nimetaja mambo matatu. Je parlais de trois choses. Na kesho nitataja ingine moja. Et demain je parlerai d'un élément. Alafu nitaonyesha solution. Et je vous montrerai la solution. Na kabla sijataja ingine kesho. Avant que je ne parle de la suite demain. Wacha tu niseme hii. Je vais dire ceci. Yakuwa wakati mwingine tunakuwa stagné. Quelquefois on stagne sababu hatujui parce que nous ignorons. Na wakati haujui, et quand tu ne connais pas, mara mingi mtu ukaa vibaya. Tu te mets dans un mauvais confort. Sababu imagine Zacharie. Zacharie? Joshua, si Zacharie, Joshua. Josué. Joshua amevaa matambara. Josué amevaa manguo mbaya. A porté des mauvais habits. Manguo za uchafu. Des habits sales. Na yeye ni kuhani mkuu. Alors qu'il est grand sacrificateur. Sasa shetani anampinga. Et le diable faisait l'opposition contre lui. Na shetani yako na haki. Et le diable a les droits. Sababu huyu amevaa nguo chafu. Parce qu'il a des mauvais habits. Ilibidi apate malaika. Il a fallu qu'il y ait un ange. Malaika amtoe nguo chafu. Un ange qui enlève les mauvais avai habits. Avae nguo safi. Et qu'il soit propre. Ndio Mungu amzungumuzie. Afin que Dieu lui parle. Manque of connaissance. Le manque de connaissance inatufanya tunafanya mambo mbaya. Fait que nous agissions mal, nous faisons mauvais. Tunakuwa impatient. Nous devenons impatients. Inafanya tunasaidia Mungu. Ça fait que nous commençons à aider Dieu. Imaginez Sarah. Sarah. Mungu amesema utapata mtoto. Dieu lui a dit tu auras un fils. Lakini Sarah hana connaissance. Mais Sarah n'avait pas la connaissance. Ya kuelewa mbele ya Mungu. De comprendre que devant Dieu. Siku moja ni kama miaka 1000. Un jour c'est 1000 ans. Na miaka 1000 ni kama siku moja. Et 1000 ans c'est comme un jour. Kwa hivyo Mungu anaweza fanya kwa wakati wake. Dieu agit à son temps. Na mambo ya wakati ni yetu duniani. Et le temps c'est pour nous dans le monde. Ukienda ulimwengu wa roho hakuna wakati. Spirituellement, il y a pas de temps. Hakuna wakati. Il y a pas un temps. Kwa hivyo kwa Mungu wakati ni hiyo mambo yetu. Les histoires des airs, c'est nous, ça nous regarde nous. Akisema nitakubariki. Quand il dit je vais te bénir. Alisha sema. Il l'a dit. Ni wewe kutembea na hiyo neno. C'est à toi de marcher avec cette parole. Kufanya vita na hiyo neno. De lutter avec cette parole. Lakini Sara akachoka moyo. Mais Sarah a perdu l'espoir. Kasema hapana. Il a dit non. Hey, Mungu ni kama alisema nimesaidie. Apparemment, Dieu a dit que je vais l'aider. Anaenda anaanza kusaidia Mungu. Il a commencé à aider Dieu. Makosa kubwa hiyo. C'est une grosse erreur. Sababu ya kukosa connaissance. Par manque de connaissance. Inafaa tumuelewe Mungu wetu. Nous devons connaître notre Dieu. Yeye ufanya kazi namna gani. Comprendre comment il agit. Caractère yake ni gani. Quels sont ses caractères. Alafu itakuwa mzuri. Et ça sera bien. Nimeongea mambo matatu. Je parlais des trois choses. Nimeongea ubaba. La connexion avec le Père. Tunahitaji Baba. Nous avons besoin du Père. Na tunahitaji tuwe connecté na Baba. Et nous devons être connectés au Père. Mungu ni Baba yetu wa mbinguni. Dieu est notre Père. Lakini ametupatia Baba hapa duniani. Mais nous a donné de Père biologique. Tuko na Baba ya kiroho na ya kimwili. Nous avons le Père spirituel et le Père biologique. Tafuta connexion na wao. Cherche la connexion avec eux. Stagnation itavunjika. Et la stagnation sera brisée. Sababu uko na connexion. Parce que tu as une connexion. Sababu baba ni source. Parce que le Père, c'est la source. Mimi wana niko na watoto wangu wengine. J'ai mes enfants. Wao niambia, daddy, kesho ni examen. Qui disent, Père, demain, c'est l'examen. Ulete pesa ya masomo. Donne-nous l'argent pour payer. Hawataki kujua niko nayo sina. Ils n'ont pas besoin de savoir si j'en ai ou pas. Niko wapi, nitaweza ama pana. Où suis-je, saurais-je trouver l'argent ou pas? Iyo ma stress inakuwa yangu. Tous ces stress deviennent à moi. Wow, wamesha sema, kwisha, wameenda. Ils ont parlé et ils se reposent. Sababu wako na baba. Parce qu'ils ont un père. Sasa imagine wakati tumekuwa connected na baba yetu ya kiroho. Et lorsque nous sommes connectés à notre père spirituel. Ndio vile niko connected na wangu. Et c'est comme ça que je suis connecté à mes enfants. Siku ingine walitaka kuniua. Un autre jour, ils voulaient me tuer. Juzi juzi tu. Il n'y a pas longtemps. Hii mwezi ya pili ama ngapi? C'était en février. Walitaka kuniua ama mwezi ya Januari sikumbuki. Watoto? No, walitaka kuniua. On a voulu m'assassiner. Sasa baba ndiye aliniita. Baba ndiye alinipigia simu. C'est mon papa qui m'a appelé. Akaniambia sijalala. Il dit non, je n'ai pas encore sommeillé. Nimekuwa nakuombea usiku mzima. J'ai prié toute la nuit pour toi. Vita gani hiyo iko? Quelle bataille y a-t-il? Mimi nikakunywa kofi, mimi nikaenda zangu. Je pris le café et je suis parti. Mimi nikaenda. Je suis parti. Si baba amepigana vita. Mon père a prié pour moi. Sasa mimi nifipigane yani na baba amenimalizia. Pourquoi je vais me battre alors que mon père a déjà c'est déjà bâti pour moi? Wewe uko na connexion na baba. As-tu la connexion avec le père? Nimeongea rebellion. Je parlais de la rébellion. La source ya rébellion ni kiburi. La source de la rébellion c'est l'orgueil. Sasa caractéristique ya rébellion na kiburi zinaendanga pamoja. Le caractéristique de la rébellion et de l'orgueil vont de pair. Ambazo nimeongelea. J'en ai parlé. Ya tatu nimeongelea habari ya connaissance. Et trois, je parlais de la connaissance. Najaribu kuwa mwalimu masiku hizi. Ces derniers temps, je sais d'être enseignant. Mwalimu uleta introduction alafu na pia summary. L'enseignant amène l'introduction et le résumé, le développement, afin que les élèves, les apprenants, les impétrants aient plus. Je pense que tu as bien pigé ce que j'ai pu communiquer. Parce que je suis enseignant aujourd'hui. Je veux que nous nous mettions debout pour prier. Je ne sais pas les chagrins que tu as. Je vois que les gens ont du chagrin dans leur cœur. Le chagrin de la vie. Le chagrin parce qu'ils ont compté sur quelqu'un. Et ils ont été déçus. Aujourd'hui, pour s'attacher à un autre, kuamini mtu mwingine, pour croire à un autre, imekuwa ngumu, est devenu compliqué. Ninasikia moyo wako unalia. Je sens comment ton cœur pleure. Ninasikia uchungu ulio ndani ya moyo wako. Je sens les chagrins qu'il y a dans ton cœur. Na mimi nataka nikuombe leo. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Sababu mtu alikukosea. C'est lui qui a offensé, qui t'a offensé. Moyoni. Dans le cœur. Alafu ilikuuma sana. Ça t'a blessé. Ndio ulimsamehe. Oui, tu l'as pardonné. Lakini sababu ya hile. Mais à cause de cela, kujipatiana kwa mwingine ni impossible. Pour te confier à un autre devient impossible. Kufanya connection na baba inakuwa impossible. Te connecter au père devient impossible. Ama baba fulani alikukosea. Il y a un père qui t'a offensé. Na leo hii umeumizwa moyo. Et tu es blessé dans le cœur. Hawezi ukapatiana maisha yako kwa mwingine. Tu as difficile à confier ta vie à un autre. Leo Mungu atakuponya. Il y a un élément aujourd'hui. Mimi nataka niombe hao. Je vais prier pour toi. Alafu kwa jina la Yesu itakuwa salama. Et au nom de Jésus, tout sera arrangé. Ah watu ninasema, ces gens, sitaki ukuja hapa mbele. Ne vont pas s'approcher devant. Nataka uinue tu mkono ni uone. Tu vas juste lever la main là où si tu mimi unainulia. C'est pas moi que tu le lèves. Ni Yesu unainulia. C'est à Jésus. Yeye ataponya moyo wako. Il va te guérir. Sababu iliumia ndani. Parce que tu as été blessé. Kuamini mtu mwingine imekuwa nguvu. Croire à quelqu'un d'autre devient difficile. Unafunga moyo wako. Tu as fermé ton cœur. Unafunga maisha yako. Tu as bloqué ta vie. Leo Mungu atakuponya. Aujourd'hui tu seras guéri. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Inua tu mkono wako. Lève ta main. Baba kwa jina la Yesu. Père au nom de Jésus. Mikono hii imeinuliwa baba. Ces mains qui sont levées. Waliumizwa mioyo. Ont été blessés dans le cœur. Ndio walisamehe. Ils ont pardonné. Lakini uchungu imekuwa mingi. Mais le chagrin est énorme. Baba kwa jina la Yesu. Père au nom de Jésus. Ninaomba uondolee uchungu leo. Je prie que tu enlèves le chagrin. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Hiyo uchungu ianze kuondoka sasa. Que l'amertume quitte maintenant. Wewe uchungu. Toi amertume. Unasikia sauti yangu. Tu écoutes ma voix. Na kuamrisha kwa jina la Yesu. Je t'ordonne au nom de Jésus. Toka na uende. Sors et pars. Yesu uchungu iende. Sors. Uchungu inaenda. L'amertume part. Inaenda, inaenda, inaenda. Le chagrin sort. Haita kufunga tena. Ça ne va pas te bloquer encore. Yesu amekufungua. Jésus t'a libéré. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tumpigie Yesu makofi. Acclamons Jésus. Hallelujah.